les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'instinct, l'intelligence, ces deux mots sont-ils strictement définis? Non. Alors, parlons d'inné et d'acquis, termes guère mieux définis, pour parler des animaux. Le 8 juillet 1975, s'achevait sur France Culture la série en 6 épisodes de Nicolas Strotsky, Mes amis les loups. Justifier une destruction des loups réputés dangereux, les autorités canadiennes ont chargé un biologiste et zoologue Farley Mowat de faire une enquête. Seul dans la région de Barène, au nord-est du Canada, Farley Mowat observe avec l'aide de deux Esquimaux, Mike et Otek. Il découvre ainsi que les loups sont tout à fait différents de la réputation qui leur est faite. Le récit, tendre et ironique, de Farley Mowat, interprété par Michel Galabru, est tiré du livre « Mes amis les loups » publié par Artaud. Aujourd'hui, dans cette dernière émission, nous suivons les louveteaux dans une leçon de chasse. Et ensuite, avec le professeur Rémi Chauvin, nous verrons quelle est la part de l'apprentissage, de l'inné et de l'acquis chez les animaux. Vers la mi-septembre, les plaines de la toundra semblèrent flamboyées d'ambre et de roux sous l'action des premières gelées qui avaient brûlé les feuillages. Les pâturages marécageux aux alentours de Wolf House Bay étaient striés de sentiers tracés par les hardes de caribous. Une fois de plus, le genre de vie des loups changea. Les louveteaux avaient quitté la résidence d'été, ils ne pouvaient pas encore accompagner Angelina et les deux mâles dans les longues chasses, mais ils pouvaient les suivre pour les plus courtes et ils ne s'en privèrent pas. Ils avaient commencé à explorer leur univers et ces mois d'automne durent compter plus tard parmi les plus heureux de leur vie. Lorsque je revins avec Otek à Wolf House Bay, après notre croisière dans les plaines du centre, je constatais que notre famille de loups se déplaçait constamment dans son territoire et qu'elle passait la journée là où la chasse l'avait entraînée. Dans la limite de mes capacités physiques et des exigences de la vie humaine, je m'efforçais de suivre leur vie errante et j'y pris un immense plaisir. Les mouches et les moustiques avaient disparu et bien qu'il y eût quelques gelées nocturnes, les journées étaient généralement chaudes et le soleil brillant. Au cours d'une de ces journées tièdes et ensoleillées, je me rendis au nord de l'escarpement à la tanière, le long d'une crête de colline qui dominait une grande vallée riche de pâturages et très utilisée comme grande route par les caribous en marche vers le sud. Une sorte de nuage noir et palpitant flottait dans le ciel pâle au-dessus de la vallée. C'étaient les bandes de corbeaux qui suivaient les troupeaux de caribous. Des familles de perdrix des neiges perchées sur les bouquets d'arbres nains caquetèrent sur mon passage. Des vols d'oies sauvages déjà prêtes à partir pour leur grande migration hantaient bruyamment les étangs de la toundra. En dessous de moi, dans la vallée, s'écoulait le flot paresseux des caribous. Hard après hard, ils pâturaient tout en avançant vers le sud, inconscients mais guidés par un savoir remontant au temps où nous ne savions pas ce qu'était le savoir. À quelques milles de l'escarpement, je trouvai une sorte de niche au sommet de la haute falaise dominant la vallée. Je m'y installai confortablement, le dos appuyé au rocher rugueux mais tiédi par le soleil, les genoux sous le menton et les jumelles braquées sur le flot vivant qui s'écoulait en dessous de moi. J'espérais voir les loups et ils ne me déçurent pas. Peu avant midi, deux d'entre eux apparurent sur la crête d'un vallonnement transversal à quelque distance dans le nord. Un peu plus tard, deux autres adultes et les quatre louveteaux surgirent. Il y eut quelques congratulations, avec flairement de museau et agitation de queue, puis presque tous les loups se couchèrent et se mirent à leur aise, tandis que les autres, assis, observaient le flot des caribous qui s'écoulait à quelques centaines de mètres d'eux. Je reconnus facilement Georges et Angelina. L'un des deux adultes ressemblait à oncle Albert, mais le quatrième, une grande bête gris foncé, m'était totalement étranger. Je n'ai jamais su qui il était ni d'où il venait. Mais il resta membre de la bande pendant tout le reste du temps que je passais dans le pays. De tous les loups et, à la vérité, de tous les animaux visibles, y compris les caribous et moi, seul, Georges semblait manifester le désir d'agir. Tandis que nous nous prélassions au soleil ou que nous pâturions léthargiquement dans les lichens, Georges se mit à faire nerveusement les 100 pas sur la crête. Une ou deux fois, il s'arrêta devant Angelina, mais elle ne lui accorda qu'un battement de queue plein de lassitude. Le temps passait, la rivière de Dun continuait de couler, je ne pensais plus rien voir d'intéressant. Je pensais que les loups avaient mangé et qu'ils s'offraient leur habituelle petite sieste après le déjeuner. Je me trompais car Georges avait des projets en tête. Il vint par trois fois trouver Angelina qui était étendue sur le flanc et cette fois, il lui fit comprendre qu'il n'était pas disposé à considérer un non comme une réponse. Je n'ai aucune idée de ce qu'il put trouver à lui dire, mais cela devait être à la fois pertinent et impératif. Car elle se leva, se secoua et se joignit aimablement à lui lorsqu'il alla flairer les formes endormies de l'oncle Albert et de l'étranger. Ils acceptèrent le message et se levèrent. Les louveteaux, toujours prompts à profiter d'une nouveauté, se levèrent et coururent rejoindre leurs aînés. Debout en cercle, le groupe des loups leva le museau et commença de hurler exactement comme il le faisait chaque soir, avant de partir à la chasse. Je fus étonné de les voir se préparer si tôt à chasser, mais je le fus encore plus de constater le manque de réaction des caribous au cœur des loups. C'est à peine si quelques-uns levèrent la tête, et ceux qui le firent se contentèrent de jeter un bref regard dénué de curiosité vers la crête avant de continuer à paître tranquillement. Il y avait au moins 200 caribous entre les deux groupes de loups et il en venait constamment de plus en plus qui apparaissaient à l'extrémité du vallonnement transversal. Le regard d'Angelina parut les embrasser tous ensemble avant qu'elle-même et ses deux compagnons se missent en mouvement. Ils se déployèrent pour former une ligne avec un intervalle d'environ 200 mètres entre chacun d'eux, de sorte qu'il barrait la quasi-totalité de la largeur de la vallée. Ils commencèrent alors à courir en direction du nord. Ils ne couraient pas très vite, mais leur mouvement avait une raison que les caribous parurent découvrir. Ou peut-être était-ce la formation adoptée par les loups qui rendait difficile aux hardes de les éviter par la méthode habituelle en s'éloignant d'eux par une course en biais. En tout cas, harde après harde, les daims commencèrent à faire demi-tour vers le nord jusqu'au moment où la plupart des caribous de la vallée eurent été repoussés sur le chemin par où ils étaient venus. Les daims résistaient nettement à la tentative et plusieurs hardes firent des efforts résolus pour enfoncer la ligne d'attaque des loups. Mais chaque fois, les deux loups les plus proches convergeaient sur les caribous récalcitrants et les forçaient à continuer de remonter vers le nord. Néanmoins, trois loups ne pouvaient pas ratisser la vallée dans toute sa largeur. Les daims découvrirent vite qu'ils pouvaient tourner la ligne par les ailes et reprendre leur marche vers le sud. Mais le temps avait passé et les loups se rapprochaient du vallonnement transversal en poussant devant eux une centaine de bêtes. Alors, pour la première fois, les caribous commencèrent à montrer de véritables signes de nervosité. Ce qui était devenu une masse compacte d'une centaine d'animaux s'éparpilla en petites bandes dont chacune se mit à galoper pour son propre compte. Groupe après groupe, ils commencèrent à obliquer vers les flancs, mais les loups ne firent plus rien pour les empêcher de déborder leur ligne. Lorsque les loups croisaient ces petites hardes, les daims stoppaient et se retournaient un moment avant de reprendre en direction du sud, leur voyage interrompu. Je commençais alors à voir la tactique des loups. Ils concentraient maintenant leurs efforts sur une harde d'une dizaine de biches et de 7 fans, et toutes les tentatives de ce petit troupeau pour déborder à droite ou à gauche étaient promptement déjouées. Au bout d'un moment, les caribous abandonnèrent et essayèrent de semer leurs poursuivants en galopant droit devant eux. Ils y seraient probablement parvenus, mais lorsqu'ils arrivèrent au niveau du monticule et des bouleaux qui se trouvaient à l'extrémité du vallonnement, un véritable torrent de loups parut s'en échapper pour les prendre de flanc. Je ne pus suivre les événements aussi bien que je l'aurais désiré à cause de la distance, mais je vis Georges foncer sur une biche accompagnée de 2 fans. Au moment où il allait les atteindre, il obliqua brusquement. 2 des louveteaux le dépassèrent comme 2 boulets gris. Ils se lancèrent vers le plus rapproché des 2 fans, qui vira promptement. L'un des louveteaux, en essayant de tourner trop court, perdit l'équilibre et roula cul par-dessus tête. Mais dans la seconde, il se releva et reprit sa course. Les autres louveteaux paraissaient s'être mêlés au reste des daims et je ne pus voir ce qu'ils allaient faire. Mais lorsque la harde eut pris le grand galop, je les aperçus courant de toute leur force derrière les daims, mais perdant du terrain. Le fan isolé commença lui aussi à semer ses poursuivants. Les 4 louveteaux couraient toujours ventre à terre, bien qu'ils n'eussent plus la moindre chance de rattraper aucun des caribous. Mais que faisaient donc les adultes pendant ce temps? Lorsque je braquai mes jumelles pour le savoir, je trouvai Georges debout à l'endroit exact où je l'avais laissé quand je l'avais vu pour la dernière fois. Il agitait lentement la queue tout en suivant les progrès de la chasse. Les 3 autres loups étaient remontés sur la crête du vallonnement. Albert et l'étranger s'étaient allongés pour se reposer. Angelina, debout, observait la retraite précipitée des daims. Il s'écoula une demi-heure avant que les louveteaux fussent de retour. Ils étaient si fatigués qu'ils eurent de la peine à grimper en haut du monticule pour rejoindre leurs aînés. Ceux-ci étaient maintenant tous les 4 allongés, en train de se reposer. Les louveteaux s'effondrèrent haletants auprès d'eux, mais aucun des adultes ne leur prêta la moindre attention. L'école était finie pour ce jour-là. Professeur Rémy Chauvin, les jeunes loups font leur apprentissage. Est-ce que ça se passe toujours chez tous les animaux de la même façon? Ah, ça c'est une importante question. Et elle est dans le fond ambiguë, parce que c'est l'éternelle question de ce qui est appris et de ce qui est inné. D'abord, pour répondre précisément à ce que vous me demandez, bien entendu, chez un grand nombre d'animaux supérieurs, attention, hein, oiseaux et mammifères en particulier, les gestes de la vie courante, les gestes qui sont importants pour la survie sont pour la plupart appris. Par exemple, non seulement les parents apprennent aux jeunes loups à chasser, et Dieu sait si la technique de chasse des loups est compliquée parce qu'ils font de véritables battues, n'est-ce pas? Mais les oiseaux apprennent à leurs petits à voler, la poule apprend à ses petits à picorer, vous l'avez vu 36 fois, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, les gestes les plus complexes de la vie sont appris par les parents. Mais quand on passe de là aux animaux dits inférieurs, par exemple aux insectes, le problème est tout autre. Et même chez les mammifères et chez les oiseaux, il y a une partie qui n'est pas apprise. C'est l'éternelle question de l'inné et de l'acquis. Une question qui divise actuellement beaucoup les biologistes, c'est comment on doit prendre cela? Comment faut-il aborder la chose? Et quel est exactement le type de connaissances innées enregistrées dans le génotype, et c'est-à-dire dans l'hérédité, et disposé à se débobiner, si j'ose m'exprimer ainsi, dès que le petit est né? La question paraissait simple. Mon ami Conrad Lorenz l'a réglée, à mon avis, d'une manière un petit peu rapide. Il a distingué le comportement en inné et acquis d'une façon un petit peu radicale. Il n'est pas toujours facile de savoir ce qui est inné et ce qui est acquis. Et tout de suite après la naissance, l'animal est bien dans un certain milieu, Ce milieu est très constant. Un nid d'oiseau, c'est toujours un nid d'oiseau. Un nid de corbeau ne ressemble pas à un nid de chardonneret. Par conséquent, il va être soumis à des impulsions qui sont toujours les mêmes depuis des milliers et des millions d'années sans doute. Alors on pourra dire, ceci est inné, c'est inscrit dans son patrimoine héréditaire, alors que ça vient seulement des conditions de milieu parfaitement constant dans lequel il se trouvait, voyez-vous. Alors si on isole l'oiseau de son milieu familial, habituel, on s'aperçoit que beaucoup moins de choses sont innées, sont automatiquement enregistrées dans le génotype qu'on ne croyait. Par exemple, Lorenz, et, ou plus exactement, c'est les Hollandais Tinbergen et Beierens, enfin tous ceux-là font partie de l'école objectiviste qui groupe Lorenz et beaucoup d'autres savants, ils pensaient que la tendance qu'a la petite mouette à picorer l'extrémité du bec de sa mère qui porte une tache rouge était quelque chose d'enregistré automatiquement dans le génotype. Parce qu'on voit toutes les petites mouettes picorer une baguette rouge ou une baguette jaune avec quelque chose de rouge qu'on leur présente. Et puis on y regardait de plus près. En réalité, les petites mouettes sont sensibilisées, comme tous les oiseaux, à l'ébranlement du nid. Vous n'avez qu'à secouer n'importe quel nid, vous allez voir tous les petits oiseaux tendre le bec. Ils tendent le bec dans n'importe quelle direction, mais très vite, la mère nourrit surtout celui dont le bec est le plus rapproché du sien. Si bien que l'animal est en quelque sorte renforcé dans son apprentissage parce qu'il a reçu de la nourriture. Il a donc tendance à viser juste pour être nourri avant les autres. Qu'est-ce qu'il vise ? Bien, il vise, ma foi, tout simplement, le bec de la mère avec sa tache rouge au bout. Alors il devient, mais très rapidement, attention, c'est une question de quelques heures, même pas quelquefois d'une heure tout de suite après la naissance. Et c'est fixé. Alors, si vous n'avez pas opéré vraiment dès le début, et c'est-à-dire c'est variable suivant les espèces, en plus, il faut le dire aussi, eh bien, vous croirez que c'est fixé dans le génotype, alors qu'en réalité, c'était appris d'une manière ultra rapide et dans des conditions très spéciales, mais qui sont toujours les mêmes. Par exemple, prenons des cas... Des cas un peu aveuglants, comme celui de la chenille qui tisse son cocon. Ben, elle fera ça une seule fois dans sa vie, vous savez, puisqu'après elle deviendra papillon. Et cependant, elle tisse des cocons parfois fantastiquement compliqués, avec une grande perfection. Elle n'a pas pu apprendre une pareille chose, donc c'était évidemment programmé dans l'environnement. Programmé, oui. Je veux dire, dans le génotype, pardon. Oui, mais ça veut dire que ça correspond à cette vieille querelle de l'instinct et de l'intelligence. Quelle est la part de l'intelligence et quelle est la part de l'instinct ? C'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? Bien, voilà, il faut d'abord se débarrasser des termes instinct et intelligence, qui sont des catégories inventées par les philosophes grecs pour leur commodité, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que nos commodités à nous soient celles des philosophes grecs. On pensait que l'instinct était la partie fixe et innée, et que l'intelligence était la partie qui s'apprenait. C'est dans le fond la même chose. Je dois dire qu'on s'est beaucoup avancé en biologie quand on a décidé de ne plus discuter de ça. Dans ma jeunesse, on essayait toujours de ranger les instincts d'une part et l'intelligence de l'autre. Et on se demandait, à l'aide de raisonnements dont la plupart étaient spécieux, s'il y avait plus d'instinct ou plus d'intelligence dans chaque acte. Eh bien, on n'arrivait à rien parce que instinct et intelligence n'étaient pas strictement définis. Alors voilà que maintenant, la querelle rebondit sous les noms d'inné et d'acquis, et que très souvent, les conditions dans lesquelles on se place ne sont pas mieux définies. J'ai entendu dans une réunion consacrée à l'agressivité, encore un cheval de bataille sur lequel on se bat beaucoup actuellement, d'ailleurs évidemment l'agressivité implique bataille, n'est-ce pas ? J'ai entendu un homme qui se prétendait un homme de science soutenir que ceux qui admettaient l'importance du comportement inné dans le comportement étaient des fascistes et que ceux qui tenaient pour l'environnement étaient des progressistes. Nous en sommes là. Si vous voulez bien, nous allons abandonner ce terrain brûlant et miné. Revenons aux animaux, abandonnons la politique. C'est peut-être plus intéressant. Dans l'apprentissage des animaux, il y a certainement un mécanisme qui permet d'enregistrer au moyen peut-être justement d'une récompense lorsque l'acte est bien fait et d'un déplaisir lorsque l'acte est mal fait. Oui, c'est ce qu'on appelle le renforcement. Mais préalablement à cela, il y a quelque autre chose d'assez mystérieux et qui a été découvert depuis relativement peu de temps. Voyez-vous, nos schémas éthologiques, nos schémas du comportement dans l'ancien temps, consistaient, consciemment ou inconsciemment, à supposer un animal qui se promenait au hasard, comme un imbécile, comme un automate, dans l'environnement, et qui en recevait soit des châtiments lorsqu'il se heurtait contre un mur, soit des récompenses lorsqu'il trouvait à manger. En réalité, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Préalablement à tout se trouve l'activité exploratoire, c'est-à-dire, un animal. Dès qu'il est né, il fait une chose, il explore, que ce soit une mouche ou que ce soit une antilope. Et alors, pendant qu'il explore, il peut avoir mangé, il peut avoir bu, ça n'a rien à voir, il explore quand même. Écoutez, c'est la quête du chien de chasse qui n'a pas faim et qui continue à chasser pour son plaisir. Voilà un exemple, n'est-ce pas? Et alors, pendant qu'il explore, il y a une sorte de bande de magnétoscope qui se déroule à l'intérieur de ses cellules nerveuses et qui va enregistrer tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'environnement. Et il faut bien qu'il le fasse, parce qu'il peut avoir besoin de ces renseignements lorsqu'un prédateur menacera de dévorer, par exemple. Et il ne sera plus alors temps de les acquérir, il faut les avoir déjà. Alors donc, l'apprentissage ne viendra que sur un substrat qui n'est pas vierge, mais qui est déjà préparé par l'intense exploration que font les animaux. C'est au point que si vous mettez un rat affamé dans un labyrinthe, et que vous disposez de la nourriture de place en place, il va d'abord explorer le labyrinthe maniaquement, avec le plus grand soin et pendant de nombreuses minutes avant de commencer à manger. Et qu'il y ait de la nourriture ou qu'il n'y en ait pas, il explorera quand même. Donc, imaginez une sorte de robot qui va d'abord, avant d'apprendre quoi que ce soit, enregistrer tout son environnement. Voilà ce qu'est un animal. Et cela, on ne pensait pas du tout de même il y a seulement une quinzaine d'années. Et la généralité de ce comportement, encore une fois, est très grande depuis les insectes jusqu'aux animaux supérieurs. Alors là-dessus, bien entendu, viennent des apprentissages beaucoup plus précis. L'animal apprend avec une rapidité étonnante, parfois après un seul essai, où se trouve la nourriture. Quel est l'endroit où il a reçu une douleur vive? Par exemple, dans les laboratoires, on administre assez souvent une secousse électrique assez violente à certains animaux. Une fois qu'ils l'ont reçu, par exemple des mammifères ou des oiseaux, une fois qu'ils l'ont reçu une seule fois, après l'avoir reçu une seule fois, ils ne viendront plus jamais de ce côté-là. Ils ne feront plus jamais cet acte-là qui a donné naissance à cette douleur. Oui, mais c'est ce que Pavlov appelait le réflexe conditionné. C'est ça. Nous avons fait énormément de progrès depuis Pavlov, parce que Pavlov, dont les expériences étaient et restent toujours remarquables, ont utilisé des animaux strictement immobilisés. Comme vous savez, les chiens de Pavlov étaient ficelés étroitement sur un harnais et on essayait de les conditionner à un seul objet, ce qui d'ailleurs est assez difficile. Alors on s'est aperçu que dans ces conditions, un chien n'est plus tout à fait un chien. Et on a fait beaucoup de progrès du jour où on a laissé les animaux libres de faire ce qu'ils voulaient et libres d'agir eux-mêmes sur l'environnement en appuyant sur des leviers, par exemple, pour le modifier. Il y a parfois des expériences absolument sidérantes qui ont été faites par les Cavano, par exemple. Cavano a mis une petite souris des champs dans une sorte de cylindre où il y avait, écoutez, je ne me souviens plus très bien, il devait y avoir une quinzaine de leviers. Il y avait un levier pour allumer une petite lumière, parce que contrairement à ce que vous croiriez, les rats et les souris sont très friands d'un peu de lumière dans leur cage, pourvu que la lumière soit faible. Et ils seront les premiers à allumer l'ampoule électrique en entrant. En appuyant sur un autre bouton, on faisait tourner la cage. Sur un autre, on l'arrêtait. Un autre bouton donnait de la nourriture. Un autre donnait de la boisson. Bref, il y avait toute une série d'interventions sur l'environnement, il faut bien appeler ça comme ça. Même de la musique. Certains animaux, comme les éléphants, sont très friands de musique. Mais beaucoup d'animaux n'apprécient pas ça tellement. C'est une autre question, on va en parler tout à l'heure si vous voulez. Alors, la petite souris a appris avec une facilité fantastique à pianoter sur ses leviers. Et on le sait, on en est sûr que ce n'est pas du hasard, parce que l'expérimentateur pouvait annuler ce qu'il venait de faire. C'est-à-dire, lorsqu'il allumait la lumière, il pouvait l'éteindre de l'extérieur. Dans ce cas-là, la petite souris se précipitait pour rallumer. Donc, on savait, elle voulait bien allumer. Alors, au point de vue de l'apprentissage, chez les singes, bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin. Mais on a tout à fait dépassé le stade où on leur donnait un pépin de raisin pour les récompenser. Parce qu'on s'est aperçu que les singes étaient les seuls animaux qui prennent plaisir à feuilleter un livre d'images, par exemple, pourvu qu'ils représentent des choses bonnes à manger ou d'autres singes. Ils ne sont pas anxieux de considérer des scènes de métaphysique ou de philosophie, ça ne les intéresse pas du tout. Ils restent très près de la Terre. Alors, tout récemment, on a essayé de les récompenser en leur permettant d'appuyer sur un bouton quand ils avaient bien réussi un exercice, et le bouton permet à un film de se dérouler, parce que les chimpanzés prennent plaisir au cinéma. Ce sont les seuls animaux, bien que je crois bien que les oiseaux, si on voulait s'en donner la peine, ça les intéresserait aussi. Mais ils voient les images ? Oh, très bien, ils ont une vision qui était la même que la nôtre. Ils sont parmi les seuls mammifères qui voient les couleurs. Vous savez que ce n'est pas tellement répandu. Vous savez que le taureau ne voit pas le rouge, l'étoffe qu'on agite devant lui. Il voit le monde comme une photographie en noir. Mais les primates et nous-mêmes, nous voyons les couleurs. Alors, partant de là, on leur a présenté une série de boutons pour voir si par hasard ils ne se trouveraient pas dans les chimpanzés un esprit critique, critique de cinéma bien entendu, pour voir quels étaient les films que préfèrent les chimpanzés. Et on est en train actuellement de voir quels sont leurs goûts en matière de cinématographe. C'est ça, on va faire un festival de Cannes pour chimpanzés. Pourquoi pas ? Et il n'y aurait peut-être pas plus de chamailles, il y a peut-être autant de bon goût, qui sait. Mais on s'est amusé aussi à leur représenter le film avec tous les chimpanzés la tête en bas. Ils ont pris ça tout à fait de travers, ils ont cassé l'appareil et même la figure de l'opérateur, n'est-ce pas ? Donc il aime avoir le monde dans sa position normale, c'est un goût qu'il ne partage pas avec les humains, c'est au moins pas avec certains. C'était une contestation. Contestation hyperactive. Est-ce qu'il y a un apprentissage chez les insectes ? Ah oui, bien sûr. Bien entendu, cela a été extrêmement contesté, n'est-ce pas ? Parce que on imagine l'insecte que quelque chose qui est parfaitement automatique, avec une cervelle minuscule, et on se dit, un insecte qui vit très peu de temps n'a pas le temps d'apprendre. Il faut donc que ce soit très bref dans sa vie, tout est programmé. C'est ça. Bah, écoutez, il y a quelque chose de troublant quand même. On va prendre l'exemple, par exemple, de la guêpe qui paralyse des chenilles ou des grillons. Elle fait un terrier, elle met les grillons, les chenilles paralysées dedans, non pas morts, paralysées seulement, et il pond dessus son œuf, et la larve va éclore et va se nourrir de l'insecte tout vivant qui est seulement paralysé. Il mourra tout à fait à la fin. Ce qui lui permet d'avoir toujours la viande fraîche. Alors cette guêpe-là, ces guêpes-là, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont parmi les plus intelligentes de tous les insectes, on s'est aperçu qu'elle acquérait avec une extrême vitesse la connaissance détaillée de tout le territoire, de quelques centaines de mètres, quand même c'est beaucoup pour un insecte, dans lequel elles vont avoir à chasser. Elles le connaissent jusqu'au moindre brin d'herbe. Donc, elles sont capables d'emmagasiner, écoutez, des connaissances, comment voulez-vous que j'appelle ça, n'est-ce pas, avec une extrême rapidité. L'acte complexe par lequel elles injectent une goutte de venin dans chacun des ganglions nerveux du grillon. Ces ganglions nerveux nécessitent une piqûre au dixième de millimètre près. Alors cela semble bien en grande partie fixé dans le génotype, parce que l'animal qui fait cela, ses parents sont morts depuis longtemps, comme c'est la règle chez les insectes, il n'a pas pu l'apprendre par imitation de ses parents. Il y a peut-être des tâtonnements, mais s'il y avait trop de tâtonnements, il n'arriverait pas à immobiliser sa chenille ou son grillon. Donc il est probable, je dis probable, qu'une très grande partie de cette activité est strictement innée. Mais il y a, comme vous voyez, quand même une grosse possibilité d'acquisition, même chez un cerveau aussi petit et apparemment aussi peu performant que celui d'une petite guêpe. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir au cours des générations un perfectionnement, ou bien si chaque fois tous les gestes et tout le comportement sont stéréotypés? Alors c'est très difficile de vous répondre parce que comme vous le savez, l'insecte est beaucoup plus ancien que nous. Les abeilles sont apparues 45 millions d'années avant nous. Et d'après, non pas d'après les abeilles, mais d'après les fourmis qu'on a retrouvées, conservées dans l'ambre de la Baltique, vous savez cette espèce de résine fossile qui conserve indéfiniment les bêtes qui sont tombées dedans. Eh bien, on a vu qu'il y avait au moins deux espèces de fourmis qui étaient exactement les mêmes que celles de maintenant et dont les mœurs étaient vraisemblablement exactement les mêmes. Mais si l'insecte change avec une lenteur un million de fois inférieure à celle des animaux supérieurs, nous ne le verrons pas, voyez-vous, si bien que c'est une question d'échelle. L'idée poétique, que je chéris à cause de cela d'ailleurs, de toute une série de progrès dont se compose un vaste univers vivant, mais qui chemine d'un pas tout à fait inégal le long des millions de siècles, cette idée doit peut-être devenir familière à l'homme de science. Nous ne marchons pas du même pas sur la voie de l'acquisition des connaissances. C'était « Mes amis les loups », sixième et dernière émission d'une série proposée par Nicolas Strotsky, qui recevait Rémi Chauvin, professeur à la Faculté des sciences de Nancy. L'apprentissage de la chasse chez les animaux, l'inné et l'acquis, texte de Farley Mowat, lu par Michel Galabru. Réalisation Colette Mama, première diffusion sur France Culture le 8 juillet 1975. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne, ainsi que les précédents volets de cette série, sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».